Quatrième chapitre, la fosse au loup. À une demi-heure de chemin de la lisière orientale de la forêt de Rennes, loin de tout village et au centre des plus épais fourrés, se trouve un ravin profond dont la pente raide et rocheuse est plantée d'arbres qui s'étagent, mêlés çà et là d'épais buissons de houx et de touffes d'ajoncs qui atteignent une hauteur extraordinaire. Un mince filet d'eau coule, durant la saison pluvieuse, au fond du ravin. L'été, toute trace d'humidité disparaît et le lit du ruisseau est marqué seulement par la ligne verte que trace l'herbe, croissant au milieu de la mousse jaunâtre et desséchée. Ce ravin court du nord au sud. L'un de ses bords, celui qui regarde l'Orient, est occupé par une futaie de chênes. L'autre s'élève presque à pic, boisé vers sa base, puis ras et nu comme une lande, jusqu'à une hauteur considérable. La tête chauve du roc y perce à chaque pas entre les touffes de bruyère. De larges crevasses s'ouvrent çà et là, bordées de cyprès nains et d'ifs au noir feuillage. En 1719, l'aspect de ce paysage était plus sombre encore, s'il est possible. Au sommet de la rampe que nous venons de décrire, deux tours en maçonnerie qui avaient dû servir autrefois de moulin à vent élevaient leurs murailles lézardées qui menaçaient ruine complète depuis un temps immémorial. Tout alentour, l'herbe disparaissait sous les décombres. À quelques pas sur la droite, le sol se montrait tourmenté et gardait des traces d'antiques travaux. Çà et là, on découvrait des tranchées profondes dont les lèvres, arrondies par le temps, avaient dû être coupées à pic autrefois et correspondre à quelques puits de carrière ou de mine. De l'autre côté de la montée, des pans de murailles annonçaient que des constructions considérables avaient existé en ce lieu. Mais tous ces restes d'anciens édifices étaient de beaucoup antérieurs aux moulins à vent, qui pourtant, eux aussi, s'affaissaient de vieillesse. Pour remonter à leur origine et se rendre raison de leur destination évidemment industrielle, il eût fallu, traversant le Moyen-Âge entier, se guinder jusqu'au temps plus civilisé de la domination romaine. Or, nous pouvons affirmer que, dans la forêt de Rennes, au commencement du XVIIIe siècle, le nombre des savants, archéologues ou antiquaires était extraordinairement limité. Précisément en face et au-dessous des moulins à vent en ruine, le ravin se rétrécissait tout à coup, de telle façon que les grands arbres, penchés sur les deux rampes, rejoignaient leurs épais branchages et formaient une voûte impénétrable. Cet immense berceau, noir, lugubre, solitaire, avait nom dans le pays la fosse au loup. Point n'est besoin de dire au lecteur l'origine probable de ce nom. Le voyageur égaré qui traversait par hasard ce site sauvage, dont les lugubres teintes, transportées sur la toile par un pinceau de mérite, formeraient une décoration merveilleusement assortie pour certains de nos drames de boulevard, le voyageur, dis-je, n'apercevait de prime aspect nulle trace du voisinage ou de la présence des hommes. Partout la solitude, partout le silence, rompu seulement par ces mille bruits qui s'entendent là où la nature est livrée à elle-même. On aurait pu se croire au milieu d'un désert. Néanmoins, un examen plus attentif eût fait découvrir, demi-caché par un bouquet de frênes, une petite loge de terre battue, couverte en chaume, et dont l'unique ouverture était garnie de lambeaux de serpillière faisant l'office de carreau. Cette loge s'appuyait à l'une des deux tours. Son apparence misérable, loin d'égayer le paysage, jetait sur tout ce qui l'entourait un reflet de détresse et d'abandon. C'était, comme nous l'avons vu, à la fosse au loup que Nicolas Trémel avait donné rendez-vous à Jude, son écuyer. Le bon serviteur était à son poste avant le jour, tandis qu'il attend patiemment son maître, assis sur les 100 000 livres qui représentent à cette heure l'opulent domaine de Trémel, nous soulèverons le lambeau de toile qui ferme la pauvre loge couverte en chaume et nous introduirons à l'intérieur un regard curieux. La loge était composée d'une seule chambre. Ses meubles consistaient en un grabat et deux escabelles. Au lieu de plancher, le sol nu et humide. au lieu du plafond, le revers de la couverture, c'est-à-dire le chaume, supporté par des gaules qui servaient de solives. Dans un coin, un peu de paille, et sur la paille, un homme endormi. Sur le grabat, un autre homme veillait. C'était un vieillard que l'âge et la maladie avaient réduit à une extrême faiblesse. Il souffrait, et ses deux mains qui serraient sa poitrine semblaient vouloir étouffer une plainte. L'homme qui gisait sur le grabat et celui qui dormait sur la paille avaient entre eux une ressemblance frappante. Leurs traits étaient également pâles et comme effacés. Tous deux avaient des chevelures de neige. C'étaient évidemment le père et le fils, mais l'âge avait blanchi la chevelure du vieillard, tandis que le jeune homme, créature monstrueuse et exceptionnelle, avait apporté en naissance ce signe ordinaire de la décrépitude. C'était Jean Blanc, l'albinos. Une douleur plus aiguë arracha au vieillard un cri plaintif. Jean bondit sur la paille froissée de sa couche et fut sur pied en un instant. Il s'approcha du grabat et prit la main de son père qu'il pressa silencieusement contre son cœur. « J'ai soif, » dit Mathieu Blanc. Jean saisit une écuelle fêlée où restaient quelques gouttes de breuvage. Il attendit à son père qui but avec avidité. « J'ai encore soif, » murmura le vieillard après avoir bu. « Bien soif. » Jean parcourut des yeux la cabane. Il n'y avait rien. « Je vais travailler, père, » s'écria-t-il en s'élançant vers sa cognée. « J'ai dormi trop longtemps. J'apporterai du remède. » Le vieux Mathieu se retourna péniblement sur sa couche, mais au moment où Jean allait franchir le seuil, il le rappela. « Reste, » dit-il. « Je souffre trop quand je suis seul. » Jean déposa aussitôt sa cognée et revint vers le lit. « Je resterai, père, » répondit-il. « Quand vous aurez sommeil, je courrai jusqu'au château et je demanderai ce qu'il faut à Nicolas Trémel, qui ne refuse jamais. »« Jamais, » prononça lentement Mathieu. « Celui-là est un gentilhomme. Il n'oublie point son serviteur qui n'a plus de bras pour travailler ou se battre. Il ne méprise point l'enfant parce qu'il a les cheveux d'une autre couleur que ceux des hommes. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le sauve, » dit l'albinos. Mathieu se souleva sur son séant et regarda son fils en face. « Jean, » reprit-il vivement, « ma mémoire est faible parce que je suis bien vieux. Mais pourtant, je crois me souvenir. Ne m'as-tu pas dit que le fils de Nicolas Trémel est en grave péril ? Voici 2 ans qu'il est trépassé, mon père. C'est vrai, ma mémoire est faible. Le fils de son fils, alors, le dernier rejeton de Trémel. Je vous l'ai dit, mon père. Quel danger, enfant, quel danger ! S'écria le vieillard avec une fiévreuse exaltation. Ne puis-je point le secourir ? Jean laissa tomber un triste regard sur le corps épuisé de son père. « Priez, » dit-il, « moi j'agirai. Hier, du haut d'un arbre dont j'ébranchais la couronne, j'ai aperçu au loin Nicolas Trémel qui revenait de Rennes, où sont assemblés les États. « C'est une noble et vaillante assemblée, Jean. Elle était ainsi autrefois, mon père. Je descendis sur la route afin de saluer notre monsieur suivant ma coutume, mais sa préoccupation était si grande qu'il passa près de moi sans me voir. Je le suivis. Il causait avec lui-même et j'entendais ses paroles. « Que disait-il ? » Les traits de l'albinos se contractèrent tout à coup et une irrésistible convulsion fit jouer tous les muscles de sa face. Il éclata de rire. « Que disait-il ? » répéta le vieillard. Jean, au lieu de répondre, se prit à gambader par la chambre en chantant un monotone refrain du pays. Son père fit un geste de muette douleur et se retourna vers la muraille, comme s'il eût été habitué à ces tristes scènes de folie. Il en était ainsi. Jean, sans être idiot, comme le croyaient les bonnes gens de la forêt, avait de fréquents dérangements d'esprit qui lui laissaient une lassitude morale et une mélancolie habituelles. Sa laideur physique et l'incertaine faiblesse de ses facultés faisaient de lui un être à part. Il le savait, et, se sentant inférieur à ses grossiers compagnons, que son intelligence dominait pourtant à ses heures lucides, il cachait soigneusement cette intelligence, se tenait à l'écart et affectait d'étranges manies qu'il plaçait comme une barrière entre lui et la foule. Moitié maniaque, moitié misanthrope, il était tantôt bouffon volontaire, tantôt réellement insensé. À son père seulement, pauvre vieillard qui s'éteignait dans sa misère, Jean Blanc se montrait sans voile et découvrait les trésors de tendresse filiale qui étaient au fond de son cœur. Quant à Nicolas Trémel, l'albinos avait pour lui un dévouement sans bornes. Mais Jean Blanc, le tailleur de cercles, le malheureux à qui Dieu avait refusé jusqu'à l'apparence humaine, portait en son âme une indomptable fierté. Il bornait lui-même les bienfaits du châtelain et n'acceptait que le strict nécessaire. Monsieur de la Tremblay, d'ailleurs, exclusivement occupé de ses idées de résistance aux empiétements de la couronne, ignorait jusqu'à quel point son vieux serviteur Mathieu était dénué de ressources. Il avait dit une fois pour toutes à son maître d'hôtel de ne jamais rien refuser au fils de Mathieu et se reposait du reste sur cet homme. Alain, le maître d'hôtel, détestait Jean Blanc et remplissait mal à son égard les généreuses intentions de son maître. Mais Jean Blanc n'avait garde de se plaindre. Quand il rencontrait par hasard Monsieur de la Tremblay dans les sentiers de la forêt, il lui parlait de Georges, qu'il aimait avec passion, et enveloppait de mystérieuses paraboles l'expression des soupçons qu'il avait conçus contre Hervé de Vaunois. Ces entrevues avaient un caractère étrange. Le seigneur et le vilain se traitaient d'égal à égal, parce que le premier prenait en pitié sincère le second, et que celui-ci, dévoué, mais orgueilleux outre mesure, trouvait un bizarre plaisir à s'envelopper de sa folie comme d'un manteau qui lui permit de jeter bas tout cérémonial. Jean Blanc resta une demi-heure à peu près en proie à son accès de délire. Il sautait et grommelait entre ses dents. « Je suis le lapin blanc, le lapin !» Et il riait, un rire amer et plein de sarcastique souffrance. Au plus fort de son accès, il s'arrêta tout à coup, et son œil rouge perdit son expression de fiévreux transport. Il passa vivement sa tête à la fenêtre et jeta son regard avide dans la direction de la fosse aux loups. À ce moment, Nicolas Trémel et son écuyer Jude sortaient du ravin et remontaient la rampe opposée. Jean se précipita au dehors, mais pendant qu'il gagnait la porte, le maître et le serviteur avaient disparu derrière les grands arbres. Voici ce qui s'était passé entre eux.